Donc on va parler de la mobilisation des parents auprès des sans-papiers à la Goutte d'Or dans les années 2004. Donc pourquoi ce quartier précisément ? J'ai commencé à habiter ce quartier par hasard parce que les loyers étaient moins chers que dans le reste de Paris. Et puis finalement, ça m'a plu et j'ai déménagé. J'ai acheté un appartement et j'ai eu des enfants qui ont été scolarisés à la Goutte d'Or. Et voilà, c'était un quartier compliqué mais très attachant. Et donc... pourquoi, dans les années 2004, cet engagement auprès des parents ? Ben en fait, j'avais ma fille qui était... mes enfants qui étaient à la maternelle. Et donc, il y a eu cette circulaire qui donnait la possibilité aux sans-papiers d'être... dont les enfants étaient scolarisés depuis plus de 2 ans, je crois, d'être régularisés. Donc là, tous les gens se sont précipités. RESF, qui était actif sur Paris, et je pense en France aussi, est venu nous contacter et nous a dit, voilà, la marche à suivre, qu'il fallait informer les parents. Enfin, ils ont fait des informations dans les écoles auprès des sans-papiers, auprès des gens qui aidaient. Et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait un énorme nombre de sans-papiers, enfin d'enfants dont les parents n'avaient pas de papiers, vivaient... dans des conditions difficiles dans des hôtels du quartier. Et quelles rencontres vous avez faites pendant ces a été un petit nombre à se mobiliser et on a très vite été débordés. Enfin, le corps enseignant était aussi très mobilisé. Et les parents s'adressaient à l'école. Après, les numéros de téléphone ont circulé. On avait un numéro d'avocat parce qu'il y avait des gens qui étaient aussi susceptibles de se retrouver en centre de rétention. Enfin, c'était une espèce de raz-de-marée de problèmes et d'histoires des gens. Et puis, on avait beaucoup trop de demandes par rapport au nombre de parents. D'aidants, ouais. Et puis surtout, il fallait fournir énormément de papiers que les gens n'avaient pas trop, comme les certificats d'hébergement ou de travail. Donc il y a eu des faux. Enfin, les gens ont pris des risques pour aider les sans-papiers. Les parents dont on parle. D'accord. Et donc moi, j'ai pas pris de risque. Je suis pas allée jusqu'à héberger ou faire des faux certificats d'hébergement. J'ai hésité, mais finalement, je l'ai pas fait. Et qu'est-ce que ça a engendré, cette mobilisation au niveau personnel ? On s'est rendu compte de l'histoire des gens, donc c'était super dur. La détresse dans laquelle certaines personnes étaient, les situations, par exemple, il y avait une famille de Rwandais, et on savait qu'ils n'allaient pas être régularisés, mais qu'ils n'allaient pas être non plus reconduits à la frontière, donc c'est des gens qui allaient vivre... toute leur vie dans un pays sans papier et sans non plus être reconduits parce que c'est très compliqué, il y a des accords donc ce genre de choses c'est inacceptable quoi. Enfin, beaucoup de révoltes, beaucoup j'ai beaucoup été touchée par les histoires et quelle démarche dans ce cas-là on peut faire même si ça paraît insoluble. Vous avez tenté quand même toutes les... Non, moi j'ai vécu... Il y a des gens qui ont été régularisés tout de suite. Et après, les cas difficiles, ils n'étaient pas plus pris en charge. Nous, on aidait que en fait, à faire les dossiers. C'était déjà pas mal, enfin assez compliqué. Et on accompagnait les gens en préfecture. Mais après, on ne pouvait pas aller au-delà. Oui, il y avait une limite à l'action. Ouais. Enfin, après, c'est des avocats. Et puis même à partir du moment où les gens sont en centre de rétention, on ne pouvait plus rien faire. Nous, on n'était personne, quoi. Et combien de personnes ont été aidées sur l'école ? Je pense que tout le monde a déposé un dossier, mais ça, j'avoue que je ne me souviens plus. Tous les sans-papiers ont déposé un dossier parce que l'information, elle a été... très relayé. Donc comme il s'agissait de quotas, ça j'avoue que je m'en souviens plus. Je me souviens que les premiers c'était que des victoires, hein, donc on était très contents. Et puis après, Ça. Puis il y a aussi, ça s'est élargi. En fait, il y a des gens qu'on connaissait pas, qui étaient plus des gens de l'école, du quartier. Les numéros de téléphone ont tourné et du coup, on a été très débordés par ça. Et est-ce qu'il y a eu des relations qui se sont créées entre les parents, entre les communautés ? Est-ce que ça a perduré au-delà de ces... Au-delà de ça, moi, j'ai déménagé, donc c'est compliqué. Après, c'était très compliqué parce qu'on voulait que les gens... Alors, il y avait différentes communautés. C'est qui n'était pas évident entre les Maghrébins, les Chinois. Il y a beaucoup de Chinois. Et donc, nous, on a voulu aussi qu'ils prennent le relais. C'est-à-dire que les gens qui étaient régularisés, à leur tour, aident les gens et ça... fonctionnait avec quelques-uns, mais très peu. Et après, il y avait une personne avec qui je suis restée en contact longtemps, mais qui finalement, ces hôtels de ces marchands de sommeil, en fait, les gens n'y restent pas. Ils sont baladés d'un quartier à un autre, ils peuvent pas rester au même endroit. Donc, c'est assez dramatique. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, je me disais, si les gamins issus comme ça, qui ont vécu, dont certains, on a appris, étaient issus de viols dans les traversées de femmes, enfin des histoires extrêmement difficiles. Et je me disais, si un jour dans ce pays ils pètent un câble, je le comprendrais. Et aujourd'hui, c'est pas forcément ces gens-là. Hein, ça, mais voilà, il y a psychologiquement, en tout cas, je sais pas comment ces enfants que j'ai connus deviendront, enfin quels adultes ils deviendront. Mais merci. Avec plaisir.